D'après le journal sud-coréen Hangyore en date du 18 juillet, l'état de pollution de l'environnement est très grave à l'arrondissement de Pusanjin de la ville de Busan où étaient stationnés les troupiers américains en Corée du Sud. Le résultat de l'enquête sur la pollution livrée en 2006 par les autorités sud-coréennes et l'armée américaine a montré que 13 substances de carburant et de métal lourd ont dépassé leur valeur nominale de repère sur la moitié de la superficie totale de l'emplacement, alors qu'en 2011, 8 composants toxiques ont été augmentés par rapport à l'enquête de 2006.